pour de l'argent. C'est pour de l'argent que vous avez fait de ma vie un calvaire. Bonne idée. Vous êtes un monstre. Putain, ce que je kiffe les prods avec les kicks qui tabassent, les mélodies qui t'hypnosent. On se rend bien compte qu'on est bien loin de leur palace. Putain de passion de malade, portion de taga, je pars en balade. Je me nique la santé, mais je soigne la rime qui t'a me rend malade. Dealer de Nantes à Paname, que les équipes se pavanent. Putain d'époque où les polos adorent se prendre des bananes. Et nous on pose nos plaies sur disques banales. La crise s'acharne, la piste m'incarne et garde la force du mic, pas d'armes. Je trouve le silence dans le vacarme. Pensez à ceux qui triment, à ceux qui se lèvent sans but, qui dans les stupes trouvent leur rôle légitime. Non, y'a rien, y'a pas de quoi faire pour. Je ramène un style qui prédit un phénomène cyclonique. Ferme ta gueule et contente-toi d'avancer. C'est lire entre les lignes de leur discours politique. Celle-ci pour l'équipe, garder notre éthique. Pas flamber pour des clics, j'aggrave les nuisances audiophoniques. Et gros phrases qui faussent, qui profitent pour notre pause. Sans trop de fuite sur nos pros, on cause aux chromitoses. Les rimes closes sont les vitrines pro. Chèlement je m'incline faux, je l'incite qu'au calme et au bien-être du cerveau. Donc à toi de voir, à toi d'écrire l'histoire. À toi de laisser ta trace sans jouer le dindon de la farce. Plus facile à dire qu'à mettre en place. On consomme notre life. Beurre dans l'espace, ça calme les spasmes. Laisse-moi dire, va te faire mettre. Si je dois formater la tête, si je dois gonfler les pecs pour signer l'échec. Je manie les lettres sans raison valable, je m'explique. Manque de liquide, voilà pourquoi le compte est sec. On est sceptique, j'ai 7 titres à peaufiner. Retire les tasses, du clip à monter un opor à filmer. Destitué de la cité, je le stipule. Gros, j'ai fixé sa niaque et son hume comme matricule. Hey yo, c'est sale hip hop, vider sa cage thoracique. Ouais, j'insiste, c'est bestial comme dans Jurassic. Un sample, un beat lourd, on sent le big, foudroie l'assemblée. Et ça te prend de la tête à la racine. Hey yo, c'est sale hip hop, vider sa cage thoracique. Ouais, j'insiste, c'est bestial comme dans Jurassic. Un sample, un beat lourd, on sent le big, foudroie l'assemblée. Et ça te prend de la tête à la racine. À la racine, yo. À la racine, yo. Et ça te prend de la tête à la racine. Le beat, pas carache.